On nous invite à découvrir les nouveaux produits d'ici et d'ailleurs dans le cadre de la chronique bière à l'émission du matin de CKRL, Le Continental. L'ultime rendez-vous des amateurs de houblon. Dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon, coin Sainte-Marie. 88 647 2972. Visitez notre page Facebook. Ce soir, au 89.1, à 20h, Simon Roy vous présente un condensé de la meilleure musique extrait de la toile dans l'émission Web Musique. Et à 21h, c'est l'émission L'accroche-oreille en rediffusion, animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay. Et dès 22h, musique ininterrompue, une sélection de Daniel Marcoux. Bonne soirée sur nos ondes. Bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Encore une fois, plein de bonne musique gratuite. C'est important, faut le mentionner. Donc, s'il y a des pièces qui vous intéressent, vous avez juste à aller sur le site de l'émission qui est au www.webmusique.ca. Donc, vous allez avoir accès à tout ce qu'il vous faut pour télécharger cette bonne musique. Dernière émission de la saison, donc je reviens à l'automne, mais ça va être déplacé, ça va être à compter de 21h pour les autres émissions de Web Musique pour la saison automne-hiver. Rendez-vous à 21h pour Web Musique. Cette semaine, on va débuter avec un artiste du nom de Der, D-E-R. Je vous fais entendre la pièce Kick, le Bebop, c'est publié sur Mahorka. Ensuite de ça, sur l'étiquette fort intéressante Pop Quiz, qui fait des compilations donc de musique électronique, mais assez pétée d'habitude. Cette fois-ci, ça va être une pièce qui donne plus dans le rock. C'est par Economics. On va entendre la pièce Detroit Tigers. Donc, tout de suite après Der, qu'on écoute tout de suite. Thank you. la ville de Saskatoon au Canada. Donc, c'était Economics, c'est le surnom de Dean Somack. Donc, c'était sa pièce Detroit Tigers. C'était publié sur l'étiquette Pop Quiz. Avant, bon, on avait débuté avec un artiste de la ville d'Istanbul en Turquie. C'était Der, D-E-R, avec la pièce Kick, le Bebop. C'était publié ça sur l'étiquette Maorka. On va poursuivre avec un artiste qui est sur CIL Recordings. Le CIL, c'est pour Copyright Infringement Recordings. Donc, ils sont très clairs sur leurs intentions. On va entendre donc Audio Genesis qui dit venir de l'espace. On va le croire sur parole. Je vais vous faire entendre la pièce Laughter's Medicine. Ensuite de ça, sur Gargan Records, on va entendre TKY avec la pièce Flat D. TKY qui nous vient de l'Angleterre. Donc, pour tout de suite, on écoute Audio Genesis. Yeah. Vous êtes toujours à l'antenne de CKRL. C'était la pièce Flat Day par TKY, un artiste de l'Angleterre qui est publié sur Gargan Records. Avant ça, on avait le droit à une pièce style un peu métal avec dubstep, une pièce assez intrigante. C'était par Audio Genesis. La pièce s'intitule Laughter's Medicine. C'était publié sur CIL Recordings ou, si vous préférez, Copyright Infringement Recordings. Donc, on poursuit avec cette fois-ci un artiste publié sur DeepX Recordings, un excellent net label qui se spécialise dans la musique électronique. Souvent des trucs assez deep, comme leur nom l'indique, donc beaucoup de techno minimal, donc toutes sortes de trucs vraiment intéressants. Ça va être Jury Sway avec la pièce Plastinilica. Ensuite de ça, sur Quantum Beat, ça c'est probablement ma découverte de la semaine. OG and the Ascension Team, donc c'est tiré de leur album Mental Treasure Hunt. Je sais pas trop comment décrire ça, c'est du rap, c'est un peu spirituel, un peu world, donc vraiment spécial comme musique. C'est un groupe qui nous vient de San Francisco. La pièce s'intitule Now, je crois. Attendez un peu, je vais vérifier ça. Oui, c'est bien ça, c'est la pièce Now, donc de OG and Ascension Team, qu'on va écouter tout de suite après Jury Sway, la pièce Plastilinica. Donc on écoute ça tout de suite à Web Music. Paying attention to our inner motion, focusing our vision through the highest chakra. We're on a mission to make you feel good. Eruption of ascending love feels the eardrum. We do yoga to control the emotion. Focus on a moment, open up and get to know God. With the motion of a Kundalini Cobra, omnipotent energy, that's why my name is Oja. Coming together in numbers and letters, electromagnetic intelligence and morphogenic resonance. Landed on your planet being quantum mechanics of dance, tetra, perfect kinesthetic stretches. Ended on by the five posh, I compact the wind of my abdomen, the discipline, the dragon is orgasmic. I saw phenomena, geometric, semantic patterns, evolving sun and water, intergalactic syntax. Meditate, rumble and particles accelerate, beyond what we see, touch, hear, smell, taste. When you interface, like can't wait, make a figure rotate, shape that vibrational rate of a stargate. Écoutez tous les dimanches à 21h La Croche-Oreille en rediffusion, une émission en art audio et électronique animée par Jean-Pierre Gué, Myriam Lambert et Ariane Plante, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. La Croche-Oreille en rediffusion le dimanche 21h, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. Avidjam. Ce qui signifie achat, vente, échange, jeux, audio et musique. Venez échanger tout ce qui concerne le divertissement de salon. Possibilité de mise de côté. Avidjam. Montage de systèmes de son et d'ordinateur. Demandez Dan. Avidjam. Offre un grand choix de disques vinyle rock des années 70. Également des jeux sur Xbox et PlayStation, Nintendo et ordinateur, ainsi que des cassettes audio, VHS, tables tournantes et amplis des années 70 et 80. Avidjam. Venez changer vos films pour adultes. 45 rue Saint-Joseph-Est, 88-559-0875, avjam.com. CKRL 89.1, Québec. De retour à Web Music. Donc, avant la pause, vous avez probablement entendu une pièce qui avait un abus de cloche à vache. C'était donc une pièce de Jury Sway, un artiste de Berlin en Allemagne. C'était la pièce Plastilinica. C'était publié sur Deepex Recordings. Ensuite de ça, ben, c'était OG and the Ascension Team, donc un groupe qui nous vient de la ville de San Francisco. C'était la pièce Now, tiré de leur album Mantle Treasure Hunt. Pour la suite de Web Music, ben, je vous propose cette fois-ci un groupe de la Slovénie. Il s'agit de Jmajev Rep. Je vous présenterai pas le nom de la pièce parce que c'est imprononçable. C'est publié sur No Way to Way Out, un net label qui a la particularité de publier une pièce différente à chaque jour. Donc, on va voir combien de temps ils vont tenir le rythme. Une pièce gratuite à tous les jours, c'est faut le faire quand même. Ensuite de ça, sur PicPac, je vous fais entendre un artiste de l'Ukraine. Il s'agit de Longman avec la pièce Gravity Material, une pièce vraiment excellente. Le net label PicPac, j'apprends à découvrir de plus en plus des albums vraiment intéressants. Donc, allez visiter PicPac, plein de bonne musique gratuite. Donc, ben c'est ça, on écoute le groupe Jmajev Rep tout de suite à Web Music. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à CKRL. Donc, c'était la pièce Gravity Material par Longman, un artiste qui nous vient de l'Ukraine, qui est publié sur PicPac. Avant ça, de la Slovénie, c'était Zmajev Rep, donc avec une pièce au titre imprononçable. Ça, c'était publié sur No Way, Two Way Out. Donc, on va poursuivre avec un artiste publié sur l'étiquette chinoise Bypass Netlabel. Il s'agit de, encore une fois, un artiste ukrainien du nom de Enko. On va entendre la pièce Dirty But Strong. Vous allez voir, vraiment excellent. Ensuite de ça, de l'Angleterre, c'est Chairman Math avec la pièce Walk With Me. C'est tiré de son album Woods Moons. C'est publié donc sur Dusted Wax Kingdom, l'excellente étiquette qui nous vient de la Bulgarie. Donc, ben c'est ça. On écoute tout de suite Enko à Web Music. C'était la pièce Walk With Me par Chairman Math, donc un artiste de l'Angleterre, publié sur Dusted Wax Kingdom. Avant ça, de l'Ukraine, c'était Enko avec la pièce Dirty But Strong, publiée sur le netlabel chinois Bypass Netlabel. Ça va déjà être tout pour Web Music. Je vous rappelle de vous rendre au www.webmusic.ca pour consulter la page de l'émission et pouvoir donc télécharger toutes les pièces, les télécharger de façon gratuite et légale. Donc, je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, Web Music débute à 21h, donc on se donne rendez-vous. On va se laisser sur notre dernière pièce de Concrete Swords qui nous vient de Londres. La pièce 1111, publiée sur l'excellent netlabel Dystopiac. Donc, on se quitte là-dessus et on se revoit la semaine prochaine à compter de 21h pour notre émission de Web Music. Téléchargez ou réécoutez l'émission Web Musique sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Chaque mardi et vendredi, CKRL vous propose des émissions variées axées sur le blues, le métal, les sports, le reggae et plusieurs autres styles, tout comme les soirées du Bal du Lézard. Le Bal du Lézard, c'est les spéciaux sur les bières importées et des microbrasseries québécoises, les étonnants 5 à 7 sur les bières canadiennes et le vin, les 2 pour 1 tous les jours de 21h30 à 22h et de 23h30 à minuit. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue à Limoilou. Le Bal, 26 ans de Limoilou libre. Lebaldulezard.com. La Rencontre internationale d'art performance de Québec 2012 vous convie à sa 17e édition du 6 au 9 septembre et du 13 au 15 septembre. Des artistes en art action et art performance provenant de la Colombie, d'Uruguay, d'Espagne, de la France, de Suisse, du Vietnam et de Birmanie. Des tables rondes présentées par le Centre interuniversitaire de recherche sur les lettres, les arts et les traditions. La RIAP à l'édifice CDTI Le Soleil au 390 Saint-Vallier-Est dans le quartier Saint-Roch. Informez-vous sur riap-performance.org. Visitez notre page Facebook. Ce soir, au 89.1, à 20h, Simon Roy vous présente un condensé de la meilleure musique extrait de la toile dans l'émission Web Musique. Et à 21h, c'est l'émission L'accroche-oreille en rediffusion, animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Quay. Et dès 22h, musique ininterrompue, une sélection de Daniel Marcoux. Bonne soirée sur nos ondes. Vous est présenté par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique.